Mais quand il se met à blaster le syndicat et quand il se met à dire qu'il veut couper le salaire des fonctionnaires, ben là, Jean Gagnon du syndicat, il se met à grimper des rideaux, puis il fait des entrevues, puis c'est le fun. Mais pendant ce temps-là, l'opposition n'existe plus. Mais là, hier, il a parlé de l'opposition avec leur histoire de financement. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, puis il s'est quasiment excusé d'en parler hier. Il a dit, bon, vous en parlez juste un peu, je suis obligé de vous en parler. Il a dit qu'il avait pas le choix de parler d'eux autres. C'est vrai que les adversaires de la bombe mentionnent même pas Démocratie Québec comme étant l'alternative pour leur combat. C'est Denis Haché, je les comprends, l'alternative, c'est Denis Haché. Moi, je trouve qu'ils font pas assez de promotion. Guard, le meilleur deuxième dans la course, c'est Denis Haché. C'est, je suis profondément convaincu. Ça pourrait nous surprendre, hein. Hey, c'est quand est-ce le débat entre Régis Labeaume puis David Lemay? Ah, j'ai pas la date, je sais pas, faudrait vérifier, je ne sais pas. Dans la Chambre des commerces, c'est le 21 octobre. C'est le 21 octobre. Devant les gens d'affaires. C'est ça. Fait que, je sais pas, ça va être télédiffusé d'ailleurs, ça. On aurait peut-être intérêt à faciliter tout ça, là. Ce serait peut-être le fun que... Parce que moi, je serais pas en chambre de commerce, je pense pas. Non, là, non, on n'est pas invité. Les gens travaillent, les gens sont pas nécessairement invités, là. Fait que ça serait peut-être le fun que ça passe à la TV ou à la radio quelque part, ça, là. Ça devrait être comme le conseil municipal. Ça devrait être présenté à la TV, je veux dire. C'est peut-être notre job aussi de le faire à radio, je sais pas. Le débat, j'aurais aimé ça qu'on l'organise, mais David Lemelin était pas intéressé. Non, mais celui-là, je sais pas, on pourrait peut-être, c'est peut-être notre job de le diffuser aussi. Je sais pas c'est à quelle heure, pas à quelle date, là. Je sais pas par cœur, là, mais faudrait peut-être checker ça, là. Je vois pas.